Le mot pour dire tout est todo. T-O-D-O. Todo. Hein? Todo. Alors, comment direz-vous « tout va être prêt aujourd'hui » Todo. Todo. Todo. Bien, todo. Va être. Va estar. D'accord. Va estar. Va estar. Va estar. Encore une fois. Va estar. D'accord. Hein? On entend le A, mais pas séparé. Hein? Va estar. Va estar. Prêt. Listo. Listo. Listo. Aujourd'hui. Hoy. C'est ça. Todo. Tout. Va estar. Va être. Va estar listo. Va être prêt. Hoy. Aujourd'hui. Todo va estar listo. Hoy.